Donc, on est dans le chapitre 12 de Romains, les derniers versets, puis on va joindre avec le chapitre 13. On va commencer par la prière et je vais demander à Patrick s'il veut ouvrir la réunion dans la prière. Oui. Seigneur, on te remercie de ce privilège d'avoir ta parole entre nos mains, ta parole traduite dans notre langue, ta parole qui est la vérité, qui nous parle de toi, de ta volonté, de ta grâce, qui nous révèle ta majesté, ta volonté aussi pour nos vies. Et on te remercie spécialement pour l'Épître aux Romains, ce soir qu'on étudie encore, qu'on regarde encore pour le chapitre 12 et le chapitre 13. Merci pour tout ce que tu as inscrit. Merci que ça va au-delà des époques, des cultures, etc. Mais c'est pour nous aujourd'hui, Seigneur, que tu t'adresses. C'est à nous aujourd'hui que tu t'adresses. Parle à nos cœurs et dirige-nous dans cette réunion. Amen. Amen. Donc, l'Épître aux Romains, qui a été... À peu près tous les théologiens dans l'histoire vont dire que c'est l'Épître par excellence pour la justification par la foi sans les œuvres de la loi. Tout le monde s'en va dans cette même direction-là. Tout le monde le voit comme cela. Et en général, les théologiens voient bien qu'il y a un besoin de démontrer que tous les croyants de tous les arrière-plans ethniques ou religieux ou de nations ou de païens ou de juifs ont besoin de savoir que l'Église est une, que tout le monde a été sauvé de la même façon. Tout le monde a été justifié de la même façon. Tout le monde fait partie du corps de la même façon. Tout le monde est à une place de la même valeur aux yeux de Dieu dans le corps de Christ. Et comme je vous l'ai dit à quelques reprises déjà, quand on lit les Actes des apôtres, on voit que la première génération s'est débattue pas mal avec ça, à savoir qu'était la place des Juifs avec la place des païens, etc., etc. Donc, certains épîtres nous parlent de la place de la femme et la place des hommes dans l'Église aussi, parce que dans la société, c'était très important à ce moment-là aussi, cette différence. Ce matin, je parlais avec une sœur, on parlait de Hébreux 13, sur le verset « Que le mariage soit exempt de toute souillure, que le lit conjugal soit exempt de toute souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. » Si on le sort de Hébreux, puis qu'on fait juste partager le verset entre nous, bon, on va parler que ben, il ne faudra pas commettre l'adultère. Okay? Il ne faudra pas commettre l'adultère, il faudra rester fidèle à nos conjoints. Mais la question, c'est que je me demandais, c'est pourquoi est-ce que l'auteur l'amène là, lui? Après 11 chapitres à parler du temple, des sacrifices, des grands prêtres, de Nouvelle Alliance, tout ça, et dans le chapitre 11, qui nous amène tous des exemples de foi qui ont persévéré dans la foi jusqu'à la fin et qui sont morts, tout d'un coup, il nous amènerait, bon, mais là, parenthèse, soyez des bons chrétiens, ne trompez pas vos conjoints. Ça fait un peu drôle d'emmener ça comme ça, paf, dans la réunion, dans son épître. J'ai dit, comment est-ce qu'on peut le mettre dans le contexte et voir que ça fait du sens dans le contexte? Pourquoi emmener ça là? Que là, j'ai fait comprendre la culture à ce moment-là. Là, j'ai dit, tu parles comme une chrétienne du 21e siècle, 2018. On a de la misère à comprendre les relations hommes-femmes à cette époque-là, surtout dans des moments où que la persécution règne, les chrétiens sont en difficulté financière, les chrétiens pensent retourner faire des sacrifices dans le temple, et là, tu as des problèmes de conjugaux qui arrivent. Là, faut-tu le mettre dans ce contexte-là? Et j'ai dit, il était même impossible à un homme à ce moment-là de penser, moi, je vais retourner au temple, mais toi, ma femme, tu peux continuer à l'église baptiste. Ça ne se pensait même pas dans la tête des jeunes à ce moment-là. On ne pensait pas comme ça. Ça ne se vivait pas comme ça. Dans notre société, à nous autres, on est cool. On peut dire à notre conjoint, tu peux faire ce que tu veux. J'en connais des couples qui sont... Le gars du bas, OK, si tu vas à l'église baptiste, vas-y. Vas-y, moi, je ne vais pas, mais si tu veux y aller, vas-y. On reste un peu cool, là, tu sais, dans ce sens-là, parce qu'on est dans une société qui permet ça. Mais dis dans le temps, où est-ce qu'on passerait même aujourd'hui à l'islam? T'imagines-tu, toi, ce qui se passerait si une femme décide de devenir chrétienne, puis son mari ne veut pas? Il ne va pas dire, oh, ben, c'est pas grave, deviens chrétienne si tu veux, moi, je vais continuer à pratiquer l'islam. Non, ça ne se marcherait pas comme ça. Donc, il faut bien comprendre le contexte. Que à ce moment-là, dans l'Épître aux Romains, il y a des conflits intérieurs qui reflètent cette difficulté-là de s'adapter des différentes cultures. On le voit dans les actes. Parce qu'on veut imposer la circoncision, qu'on veut empêcher les inconvertis, bon, pas les inconvertis, mais les païens, de manger de la viande telle sorte ou telle sorte de viande. On va en parler au chapitre 14. Ça fait deux, trois fois que je le mentionne. C'est important parce qu'il va revenir avec ça que c'est un problème entre eux autres de mépris et de jugement les uns envers les autres parce que certains mangeaient, certains ne mangeaient pas, certains fêtaient des fêtes, certains fêtaient le sabbat, certains ne faisaient pas le sabbat. Il y avait des problèmes. Et l'apôtre Paul, ce qu'on va voir dans le chapitre 14, est obligé de leur dire « Le royaume de Dieu, ce n'est pas ça. » Vous vous obstinez pour des en Québécois, des bacatelles. Okay? Revenez au bon sens. Donc, quand on arrive au chapitre 12, il va donner des exhortations, des encouragements aux chrétiens pour bien comprendre les chapitres 1 à 11, si on a tous été aimés de la même façon par le Seigneur Jésus-Christ, on devrait s'aimer les uns les autres. Et l'amour des frères et sœurs, là, on parle pas de nos difficultés seulement relationnelles, mais le texte nous pousse plutôt à penser que tu ne crois presque pas que je suis un chrétien comme toi parce que je suis un païen, ou je suis un juif, ou que je suis un esclave, ou que je suis un maître, ou ben non, que je suis un homme ou une femme. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais dans plusieurs épîtres, l'amour pour les frères et sœurs est un gauge assez fort pour déterminer si c'est un croyant ou pas. Il va même dire, si tu n'aimes pas les frères, tu n'aimes pas Dieu autour de là. OK? Quand tu n'as pas de mentir, si tu n'aimes pas les frères, tu n'aimes pas Dieu. Puis quand on dit qu'on n'aime pas les frères, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de conflit avec les frères. C'est pas tout à fait ça. Ça va plus loin que ça. C'est que je te reconnais pas comme... Je t'honore pas comme je devrais parce que tu es un enfant de Dieu. C'est pas mon conflit avec toi sur « Dois-tu avoir Internet ou pas? » OK? C'est « Je t'en conflit avec toi par rapport au fait que tu es un enfant de Dieu. » Ça, c'est une autre chose, là. OK? On va en reparler ce soir de cette idée-là. Et comment est-ce que je te perçois, toi, mon frère, ma soeur, qui est dans l'Église comme moi? On a vu la semaine passée qu'il a parlé par honneur réciproque. J'ai de prévenance. Je dois t'honorer. Et toi, tu dois m'honorer. Okay? Donc, c'est important qu'on comprenne que c'est ce contexte-là. Quand on a fini le chapitre 12, ou presque, la semaine passée, on a commencé à parler au verset 17, là, « Ne rendez pas le mal pour le mal, recherchez le bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Donc, on s'était demandé si est-ce qu'il parle de tous les hommes de la planète ou tous les hommes dans l'Église. OK? Tous les hommes dans le sens, toutes les nationalités dans l'Église. Païens, romains, juifs... Ne rendez pas le mal pour le mal. Et j'ai dit un petit peu la semaine passée, il ne faut pas idéaliser l'Église. Il y a des choses qui se passent dans les Églises qui sont difficiles. Okay? Donc, on en a vécu dans différentes Églises des choses excessivement difficiles. Mais je crois qu'il faut, il faut faire attention de ne pas généraliser les conflits relationnels qu'il y a dans toutes les églises, qu'il y a toujours à voir dans les églises, mais avec certains conflits où ce que l'auteur, des fois, il va dire, si tu ne fais pas ça, la conséquence qu'il nous dit qui va arriver, c'est trop fort pour ajouter des problèmes relationnels. Mm-hmm. Vous me comprenez? Oui. C'est dire, si tu ne fais pas ça, Dieu va te condamner. Je suis obligé de dire, c'est plus fort que juste que j'ai un problème de l'heure de la réunion le dimanche matin. OK? C'est pas tout à fait ça. OK? Donc, ici, il dit, si on te fait du mal ou si on te maltraite à cause que tu es un chrétien autre ou qu'on remet en question ta foi ou qu'on remet en question ton appartenance à Dieu, à Jésus-Christ, mais sois en paix. Ne te venge pas. C'est ce qu'il dit au verset 19. Ne te venge pas toi-même. OK? Ne te venge point, bien-aimé, mais laisse agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ici, tu amasses des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Je crois qu'une des idées, je ne sais pas comment vous l'avez entendu dans le passé, qu'on avait parlé, le fait qu'il dit, ne te venge pas, laisse agir la colère de Dieu. On a vite dit que c'était pour les païens à l'extérieur. Mm-hmm. OK? Parce que Dieu, la Bible est claire, Dieu ne se mettra jamais en colère contre ses enfants. La colère de Dieu sur ses enfants a été détournée par Jésus-Christ. Mm-hmm. OK? La colère de Dieu n'atteindra jamais un enfant de Dieu. Jamais. Donc, on a dit tout de suite, bien, ça, il doit parler des inconvertis. Donc, il dit, « Ne te venge point. » Là, je suis obligé d'attribuer le verset 19, 20 et 21 aux inconvertis. Mm-hmm. Je le prends comme ça. Okay? Donc, je me dis, « Ah, OK. » Donc, il dit maintenant, « Si les inconvertis te font du mal, si les inconvertis te persécutent à cause de ta foi, mais ne te venge point, au contraire, fais-leur du bien. » Je méditais là-dessus cette semaine, j'essayais de voir la réalité de cela. Dans un contexte de persécution sévère, est-ce que c'est vivable? Est-ce que c'est raisonnable de penser cela? Que mon voisin m'aime moins, que ma famille me rejette ou se moque un peu de moi, ben je peux vivre certaines... Je peux essayer de leur faire du bien malgré ça. Quand quelqu'un veut ma peau, tu peux pas y faire du bien, ben. Il veut ma peau, il veut me rejeter, il veut me faire mourir, comme c'était le cas dans la persécution qui était sévère à ce moment-là. Mm. Comment je vais vivre ça? Ce ne serait pas si évident que ça. Mm-hmm. Parce que la personne ne veut pas avoir de lien avec toi, ne veut pas t'approcher parce que tu es un croyant. Donc, ce serait difficile de pouvoir... faire du bien. Mais il y en a qui disent, bon, le bien, ça veut dire je vais prier pour lui quand même. Si dans l'avenir, j'ai une occasion, je vais lui parler du Seigneur. Bon, OK. OK. C'est un fait, là. Si ça serait possible, ça arriverait comme ça. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une autre façon de le voir qui dirait, si on te fait du mal et qu'on te persécute et qu'on te cherche les troubles, mais dans l'Église, à cause que tu es un païen, ou à cause que tu es un juif, à cause que tu es une femme, à cause que tu es un esclave, encore là, fais attention, ce n'est pas à cause que tu ne sens pas bon. Okay? Mais dans notre contexte de l'Épître aux Hébreux, l'Épître aux Romains, c'est la justification par la foi sans les œuvres de la loi. Puis, il parle toujours, depuis qu'on a commencé, c'est toujours dans l'Église. Jusqu'à date, puis vous allez voir, aussitôt qu'on va terminer la question de la vengeance ou des autorités avec Dieu, il va continuer encore, aimez-vous les uns les autres, il va continuer. Mm. Si on l'attribue aux païens, il y aura une parenthèse là, de mon comportement envers les païens. OK? Puis, si vous pensez comme ça, c'est bien correct. Mon comportement envers les païens, je ne dois pas me venger non plus. OK? Je ne veux pas sortir mon fusil, me battre contre ceux qui me persécutent. Je sais ça. Okay? Je crois que les chrétiens, généralement, le voient aussi. Ça. Mais je crois que l'auteur est plus dans la direction de nous aider à dire comment j'agis. Puis, si les gens dans l'Église me font du mal, si, mettons qu'on... Là, je saute encore au chapitre 14 parce qu'on va y arriver ça, un jour ou l'autre. Si les frères me persécutent parce que je mange de la viande, puis qu'on remet en question mon salut parce que moi, je mange de la viande, okay? Puis qu'on remet en question mon droit d'être dans l'Église parce que je suis un païen qui mange encore de la viande sacrifiée aux idoles. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me venge ou est-ce que je ne me venge pas? Mais la question, l'auteur, il dit, pour t'aider à ne pas te venger, là, je vais te donner un moyen, une vérité, un principe de base qui va t'aider à ne pas te venger. Parce que je peux te dire, ne te venge pas. Mais ce n'est pas si facile que ça, pas se venger. Hein? Tu peux me le répéter souvent, mais si on fait des injustices, j'ai tendance à vouloir lever les poings aussi. À répondre, oui. Mais si je crois que l'auteur, l'apôtre Paul, va donner un principe de base pour qu'on comprenne, puis qu'on puisse avoir une vérité qui va nous aider à ne pas se venger. Elle va être vraie aussi sur les inconvertis, cette vérité-là aussi. OK? Mais j'essaie juste de le voir, est-ce que je peux l'appliquer avec l'Église? Je crois que l'auteur est en train de dire, si on remet en question ton salut parce que tu n'es pas un juif ou parce que tu es un païen ou que tu es un noir ou que tu es un romain, ou qu'on remet en doute cela, que tu es aussi aimé de Dieu, tu as ta place dans le corps de Dieu comme les autres, tu peux servir dans l'Église comme les autres, tu as le droit à toute l'espérance, à toute les nouveaux cieux, nouvelle terre qui s'en vient, tout ce que Dieu a promis à son peuple, tu as eu le droit à ça. Si on veut te soustraire à cela, laisse Dieu s'occuper de cela. Dieu va. Parce que moi, je crois que si tu me traites de même, je mets en question est-ce que tu as bien compris le chapitre 1 à 11. C'est la question que je te poserai. Pourquoi est-ce que tu me traites de même? Est-ce que tu n'as pas compris qu'on était justifiés par la foi, sans les œuvres, selon l'élection de Dieu, qu'on a tous été élus, qu'on a tous la même espérance, qu'on a tous été aimés, qu'on a tous été purifiés, qu'on a tous été élus par Dieu, qu'on a tous la même place, la même honneur, on a tous le même privilège? Pourquoi est-ce que tu me traites de même? Est-ce que tu ne comprends pas que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire? Est-ce que tu ne comprends pas que le royaume de Dieu, ce n'est pas la race que tu as? Est-ce que tu ne comprends pas que le royaume de Dieu, ce n'est pas le sexe que tu as, homme ou femme? Si tu ne comprends pas ça, je pense que tu n'as peut-être pas compris l'Évangile, mon chum, là, à quelque part. Et c'est là qu'il dit, laisse Dieu s'occuper de ça. Et c'est là que le mot colère a un sens dans ma tête, à moi du moins. Okay? Parce que si je maltraite les frères et sœurs, puis je ne les considère pas comme frères et sœurs dans la foi, à cause de leur race, de leur ci, de leur ça, j'aime pas les frères et sœurs que Dieu a aimés. Et alors, il va revenir avec cela à la fin du chapitre 13. Revêtez le Christ. Agissez envers les frères et sœurs comme Christ a agi envers eux. Amen. Il les a aimés, puis il est mort pour eux autres. Donc, agis comme ça, traite-la comme ça, voilà comme ça. OK? Vas-y, Patrick. Le verset 20, tu le rattaches-tu à l'Église aussi? Oui. J'ai de la misère. J'ai de la misère. C'est à cause du mot ennemi? Oui, c'est ça. Mais comment est-ce que tu appelleras les frères qui te font du mal? Ben, dans le contexte où est-ce que tu le dis, Paul ailleurs, il dit que c'est, je ne sais pas si je vais bien le citer, mais il dit que c'est des frères qui sont faibles. Je ne suis pas sûr qu'il dit comme ça. Là. Tu sais, quand il parlait de la nourriture, exemple, quelque chose du genre, puis il dit pour pas être une occasion de chute, tout ça. Puis, fait que, eux, ils ont tort, mais toi, pour pas être une occasion de chute, fais-le pas. Là, le contexte, par contre, que tu dis, c'est ils te font vraiment du mal, même s'ils ont tort, tout ça. Donc, je ne sais pas si Paul il irait jusqu'à dire « l'Église peut être ton ennemi ». On va voir. Que ou texte... certaines personnes de l'Église peuvent être ton ennemi. À moins que tu dises que... Je ne sais pas. Ça dépend comment est-ce qu'on appelle le mot « ennemi », comment tu le définis. Si quelqu'un me fait du mal, est-ce que je peux l'appeler un ennemi ou pas? Bon, appelle-le comme tu voudras, un frère faible. Mais le mot « faible », c'est faible par un manque de compréhension. Oui, c'est ça. Donc, on va le voir dans le chapitre 14. C'est dans le chapitre 14 qu'il va parler de cela. OK? Il est bon de se priver de faire des faibles et tout ça. Oui, je comprends. Mais si finalement, tu ne veux pas, finalement, toi, tu dis non, je ne veux pas le faire, ça, moi. OK, ouais. Tu vas faire quoi, là? OK? C'est là, on va le voir avec l'idée. Mais c'est ça que je dis. Si je le dis que ça vient de l'extérieur, bon, je prends le verset 17 jusqu'à 21 et jusqu'à le chapitre 13, verset 10, 11, là, si je le mets envers les païens, envers l'Église, OK. Mm-hmm. Moi, je disais pas que c'était tout ce que tu avais dit que c'était envers les païens, parce qu'on voit, il me semble, que quand il dit les uns les autres, je pense pas que les païens puissent faire ça, ça va avec l'Église, là. Mm-hmm. Mais je me demandais s'il incluait pas à certains passages les non-croyants. OK. Quoique Jésus a dit, puis c'est hors contexte, mais c'est pour rentrer le mot ennemi, vous aurez pour ennemi les gens de votre maison. Okay? Ouais. Donc, ouais. C'est tes frères, tes sœurs dans la chair. Là, c'est... Mm-hmm. Parce que la question, pour moi, quand ils deviennent ennemis, c'est pas vraiment ennemi comme... C'est pas quelqu'un qui veut te tuer, là. Oui, mais c'est pas juste moi. C'est la raison qui me fait du mal qui devient mon ennemi. Mm. C'est pas juste... il a pris ma chaise dimanche, et moi, je m'assis là d'habitude. Là, on s'en veut, OK, à cause de ça. C'est pourquoi est-ce qu'il... Qu'est-ce qu'il fait pour que l'auteur définisse le mot « ennemi » Il agit comme un ennemi jusqu'à certains points. Pour les convertis, lui, les convertis, là, il est mon ennemi. C'est pas parce qu'il souffre ma neige. C'est à cause de Jésus-Christ qu'il est devenu mon ennemi. OK? Il est mon ennemi, je l'appelle mon ennemi parce qu'il est contre Christ. Il m'en veut à cause de Christ. C'est pas à cause de mes actions morales et sociales que je l'appelle mon ennemi. Il était mon ennemi à cause de Jésus-Christ. Mm-hmm. Je crois ici, l'auteur va aller chercher le mot « ennemi » à cause que c'est les raisons pour lesquelles ils me font du mal qui devient mon ennemi. Okay? C'est pas juste qu'il me fait du tort dans l'Église, entre guillemets. Là. Okay? Comme on voit, moi j'appellerais ça une façon normale dans l'Église. Des accros entre les frères et les sœurs, des petits... Ça, j'appellerais pas mon frère mon ennemi dans ce sens-là. Non. Okay? Ouais. Dans ce sens-là, je ne l'appellerais pas un ennemi. Mais si, un peu comme l'apôtre Paul, il va dire ailleurs dans Romains, si vous vous mordez les uns les autres, là, il nous traite, si on agit comme des chiens envers les uns les autres, attention. Okay? Donc, les termes sont pesants, des fois, sont lourds de sens, parce que dans la tête de l'apôtre Paul, c'est une question de salut ou de perdition. Mm-hmm. C'est ça qui devient intéressant des fois quand on voit le texte de même. C'est que je peux évaluer ma compréhension de la foi en regardant comment je te perçois. Je te perçois-tu comme un frère ou une sœur que Christ a sauvé? Sinon, c'est mon salut qui est en doute. Là. Okay? Si je ne te vois pas, si je ne crois pas que Christ a sauvé comme il m'a sauvé moi, là j'ai un problème assez sérieux. J'ai de la misère avec ta façon de t'habiller, avec la musique que tu écoutes. C'est pas tellement important. OK? Donc, c'est pas tellement important. Donc, regarde, on va embarquer avec le verset 13, puis on va voir, parce que le chapitre 13, plutôt, il y a un continu là, avec les autorités. Parce qu'il dit, ne te venge point, laisse Dieu faire. OK? Si on dit que c'est juste à la fin des temps que Dieu va se venger, OK? C'est une vérité aussi. Et là, ça serait, ça va être certainement juste pour les inconvertis à la fin. OK? Parce que la colère de Dieu va s'abattre sur les inconvertis à la fin. Ça, c'est sûr. OK? Mais regardez au verset, tournons au chapitre 13, puis on va voir là, qu'il amène, tout de suite après avoir dit « Ne vous vengez pas », il parle des autorités que Dieu a mises en place. C'est pas, c'est comme s'il dirait « Je veux t'aider à ne pas te venger » parce que ça serait drôle, ce serait drôle parce que c'est des actions présentes, dans le moment présent, puis il ne va pas juste m'envoyer à la fin des temps. Ou est-ce qu'à la fin des temps, Dieu va faire de quoi? Il y a présentement aussi des choses qui se font. Okay? Donc, à partir du verset 13, chapitre 13, au verset 1 jusqu'à 7, on va lire ça ensemble. Parce qu'à partir du verset 8, parce que tout de suite, dans ma Bible, à moi, c'est, on a. Bien, on a divisé la Bible, le livre de Romains là, on a fait deux chapitres. Puis dans, au début de 13, on dit, voici les responsabilités des chrétiens envers les autorités. Et je ne suis pas sûr que le titre est le meilleur. Est-ce que, comment maintenant on doit voir les autorités dans nos relations mutuelles, soit avec les chrétiens ou soit avec les inconvertis? Mais ce n'est pas mon devoir envers les autorités, c'est quels devoirs ont les autorités pour qu'on soit en paix les uns avec les autres. Okay? Ce n'est pas ma perception des autorités dont l'auteur veut parler, mais que les autorités ont été données par Dieu pour garder la paix quand il y a des conflits entre nous. Okay? Donc, avez-vous déjà remarqué que dans les Actes des Apôtres, les autorités romaines sauvent la peau des chrétiens en grande partie du temps? C'est ça qu'ils vont sauver Paul à plusieurs reprises. C'est souvent les autorités romaines, c'est les Juifs qui veulent faire la persécution. Les autorités romaines, souvent, vont être utilisées pour... Paul même va les utiliser à quelques reprises pour sauver sa peau jusqu'à certains points. Donc, mais regardons bien ce qu'ils ont dit. On va lire ça ensemble, Isabelle, Daniel, puis Patrick. Puis on va lire les sept premiers versets. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqué à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à vous à qui vous devez la crainte et l'honneur à qui vous devez l'honneur. Donc, je crois qu'on doit jusqu'à certains points relier, ne vous vengez pas à la vengeance ici. À certains points, on doit relier le texte ensemble, sans ça, on ne comprendra pas. La question, encore une fois, que je me pose, je vous encourage à vous poser, même si vous n'avez pas le même résultat que moi dans votre posée de vos questions, pourquoi est-ce qu'il parle de ça dans un contexte où, pendant 11 chapitres, il nous parle de nous percevoir les uns les autres pareils? Okay? Qu'on est tous perdus pareils, qu'on est tous sauvés pareils. Pourquoi emmener tout d'un coup les autorités ou notre soumission aux autorités à l'extérieur? Ça ne semblerait pas, en tout cas, une question. Je ne pourrais pas me servir des, des 11 premiers chapitres de la justification par la foi sans les œuvres de la loi avec les autorités là. Ça vient faire quel rapport qu'il y a avec les autorités là, avec la justification par la foi sans les œuvres? Ça n'a pas de rapport comme tel. OK? Donc, pour que ça fasse du sens dans ma tête, j'essaie de comprendre. Ne vous vengez pas quand on vous fait du mal. Dieu va s'en occuper. Dieu va s'en occuper. Dieu va prendre soin de ses enfants et si on vous maltraite, si on vous rejette à cause que vous êtes mes enfants, là. OK? Là, c'est ça qui est l'idée. Parce que ce n'est pas juste à cause que tu n'as pas payé ton ticket, puis là, paye ton ticket. Je dirais que ce sera encore plus hors contexte de penser que c'est ça dont il parle ici. OK? Il dit, Dieu a établi des autorités supérieures. Y a-t-il qui ont autre chose que le mot supérieur dans leur Bible? Attends, j'ai une version français courant ici. Ça dit, Romains 13, que chacun doit se soumettre aux autorités qui exercent le pouvoir. C'est ça. Et je trouve intéressant parce que là, ils mettent un verbe, puis dans le texte original, il y a un verbe là aussi. Parce que le mot supérieur, ça, pour nous autres, c'est un adjectif, mais c'est plutôt dans le texte, quand je suis allé voir aujourd'hui, hop, j'ai dit, c'est quoi, c'est un verbe? Ça, c'est pourquoi ils ont... C'est les autorités qui exercent l'autorité, qui exercent le pouvoir, okay? qui ont une espèce d'autorité. Dans le verset 1, je ne sais pas si vous remarquez comme moi, ils généralisent les autorités supérieures. OK? Toute autorité qui est dans le monde sont établies par Dieu. Mais ce n'est pas juste les autorités, qu'on pourrait dire, païennes. Là. Okay? Il y a toutes les autorités. Toute autorité qui exerce une certaine autorité ou certains pouvoirs, c'est tout Dieu qui les établit. On ne peut pas juste dire Dieu a établi toute autorité qui n'est pas sous son contrôle. Quand on pourrait dire, si on serait dans l'Ancien Testament, que le principe est encore vrai, les rois que Dieu a mis en place, c'est en lui qu'ils avaient mis en place aussi. Là. Okay? Donc, ce n'est pas juste parmi les incontrôlables. Donc, il dit, l'autorité est en place, puis elle a un rôle à jouer. Elle a un rôle à jouer dans le mal qu'on te fait. C'est ça qui est le contexte. Ne te venge pas si on te fait du mal. Fais du bien à la place, toi. OK? Donc, les autorités ont un rôle à jouer quand on te fait du mal. Donc, pour moi, le fait de savoir qu'il y a des autorités qui vont réagir, qui vont agir, ça m'aide, moi, à utiliser l'autorité. Si on serait au temps du Far West, où il n'y a pas d'autorité, je vais avoir tendance à vouloir faire justice moi-même, parce qu'il n'y a pas d'autorité en place. OK? Mais si je sais qu'il y a une autorité, ça devrait m'aider à ne pas me venger moi-même et à utiliser l'autorité. Puis, l'auteur, je crois qu'on pourrait inclure, entre guillemets, des autorités dans l'Église aussi. Parce qu'il y a des autorités dans l'Église aussi établies par Dieu. Okay? Ce n'est pas juste le pouvoir politique dont on parle, mais aussi le pouvoir dans l'Église. Mais, remarquez bien le verset 2, ce qu'il dit. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donc, il relie ici mon attitude aux autorités à la personne de Dieu. C'est pour ça que je ne suis pas capable de concevoir que il est en train de parler de respecter les limites de vitesse sur la route. Okay? Parce que si je ne respecte pas une limite de vitesse sur la route et que je paye un ticket, je ne suis pas sous la condamnation de Dieu, mon ami. Mais si je rejette l'autorité que Dieu établit, je rejette Dieu dans mon contexte ici. Là. Et là, je vais être condamné. Okay? Donc, quand je dis ça à un croyant, ça a de l'importance. Quelle attitude as-tu envers les autorités que j'ai établies? Si tu rejettes les autorités que j'ai établies, tu me rejettes moi. Mais l'idée, c'est quoi? C'est quoi que... Il dit, j'ai mis en place l'autorité, autant dans le monde inconverti que dans le monde chrétien, parce qu'il y a des autorités aussi dans l'Église. Comment est-ce que tu perçois l'autorité? Si tu veux te venger toi-même, et tu ne me laisses pas à moi le rôle de venger, et le rôle que j'ai donné à certaines personnes de faire cela, et que tu décides que c'est toi-même qui te venges, tu me rejettes moi. Si tu me rejettes moi, tu as un problème avec moi. Okay? Pas avec les autorités comme telles, mais avec moi. C'est pour ça que je me dis, quand on parle de colère, qu'on parle de jugement, ou qu'on parle de condamnation, on a de la misère chez les croyants de penser que Dieu peut dire à un croyant, si tu ne soumets pas aux autorités, tu es sous ma condamnation. On a de la misère à penser que Dieu peut dire ça à des croyants. Parce qu'on pense que Dieu ne peut pas faire ça. Mais pourquoi dire ça à des chrétiens s'il n'y a pas de danger qu'ils soient sous la condamnation de Dieu? Il y a une possibilité sans ça. Donc, je vais manifester mon attitude envers Dieu dans la façon que je vais regarder l'autorité qui est en place. Et si je regarde que Dieu a établi une autorité, je me dis, bien, je devrais utiliser les autorités pour, si on me fait du mal, je ne devrais pas me venger. Si on l'applique en dehors de l'Église avec des païens, bien, on devrait aussi le faire en tant que chrétien. Et on a plein de textes. Si ton frère a péché contre toi, va chercher de toi, va le dire à l'Église. Suis la chaîne de commande. Okay? Parce que en faisant ça, je me protège. Et je voyez-vous l'idée de vous aimer les uns les autres, de ne pas être hypocrite les uns avec les autres? Utiliser l'autorité que j'ai mis en place, ça vous protège vous et ça protège l'autre. Parce que c'est pas sûr que tu as raison, même si tu penses que tu as raison. OK? Donc, si tu laisses l'autorité agir, ça te protège toi et ça protège ton frère aussi et ta soeur. Parce que si vous êtes en train de vous tirailler et de vous chicaner parce que vous mangez de la viande, vous n'en mangez pas, vous avez le sabbat, vous ne faites pas le sabbat, hein, et que ça va produire l'animosité et que ça va même faire des problèmes dans l'Église au point de faire peut-être une division, une guillemette. J'en ai vu, pour moins que ça. Tu devrais peut-être utiliser les autorités que j'ai mises en place. Va chercher deux, trois frères, va chercher les anciens. Si vous devez aller vers les païens, va vers les païens, prends les juges, prends les avocats. Réglez ça selon l'autorité que j'ai établie pour protéger les gens qui font le bien et punir les gens qui font le mal. Donc, pour moi, François, ça m'aide dans mon comportement avec les frères et sœurs. Okay? Ça m'aide avec mon comportement avec les frères et sœurs. Si moi, je suis en train de m'ostiner avec Daniel sur la question du manger, du boire, sur la façon de m'habiller, sur les fêtes, je vais aller voir des gens. Je vais aller voir les plus vieux. On va voir, tout à l'heure, ils vont en parler. Allez donc voir vos conducteurs. Allez donc voir les gens qui vous dirigent. Ils en parlent jusqu'à certains points. Mais là, je suis en train de me tromper avec Hébreu, là, encore une fois. OK? Mais je crois qu'il y a je devrais suivre la chaîne de commande normale, et ça va éviter les conflits et les difficultés. Mm-hmm. Peut-être que je vais comprendre mieux que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, qu'on devrait se donner de la place pour manger ce qu'on veut, puis de s'habiller comme on veut, puis de pas fêter le sabbat ou de fêter le sabbat, de se donner de la place. Qu'on est tous des enfants de Dieu, malgré cela. Et je crois que, pour moi, ça fait plus de sens dans ce côté-là, que de dire ça s'adresse juste aux inconvertis. Moi, ce n'est pas pour vous autres, là. Moi, ce que j'ai entendu à travers les années, quand on parle des autorités dans Romains 13, on parle de notre comportement envers les gouvernements. Les soldats. Qu'on devrait être des bons citoyens, payer nos impôts, puis on devrait être juste, puis on devrait faire ci. Fait qu'on nous relie qu'on devrait être des bons citoyens. Okay? On nous emmène dans cette direction-là, habituellement avec Romains 13. Pour moi, J'aimerais mieux utiliser d'autres versets que cela dans la Bible, d'autres textes que pour, si je veux parler de ça avec les chrétiens. Si moi, je veux t'encourager d'être honnête envers les gouvernements, mais je peux prendre n'importe quel texte qui parle d'être honnête dans la vie. Tu sais, c'est pas besoin d'être... j'ai pas besoin de parler, mettons, de prendre leur main 13. Parce qu'ici, c'est pour m'éviter de me venger. OK? C'est ça que le contexte, il a. Ne te venge pas. J'ai mis en place des gens pour le faire. Et ultimement, à la fin, ben, je vais le faire aussi moi-même en tant que Dieu. OK? Donc, c'est ça qui devrait t'aider à combattre le mal par le bien. Donc, c'est dans ce sens-là que moi, je le verrais. Comment vous voyez le verset 4 est assez simple à comprendre. Bon, les magistrats sont là pour punir les ceux qui font le mal, puis protéger ceux qui font le bien. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de punition, mais encore par motif de conscience. La conscience, ça vient jouer. Comment vous le percevez, là? Il est soumis aux autorités, non pas parce qu'on a peur d'être puni, mais par motif de conscience. Bien, si on le relie directement au verset 1, qui dit que ça vient de Dieu, c'est Dieu qui l'a mis en place. Si je suis désobéissant ou je ne suis pas soumis à ces autorités-là, donc je ne suis pas soumis à Dieu, donc ma conscience m'accuse jusqu'à un certain point. Là. C'est par motif de conscience envers Dieu. Oui. Okay, c'est envers Dieu que ça, qu'on parle ça. Là. Donc, il dit, sois soumis aux autorités que j'ai mises en place et pas juste parce que tu as peur d'être puni, mais parce que tu as une bonne conscience envers Dieu. Dieu a mis en place des autorités pour t'aider à ne pas te venger. Parce que pour moi, le texte, même si je l'utiliserais pour les païens ou pour les chrétiens, ma bonne conscience envers Dieu va dire, suis le système que Dieu a mis en place, les autorités. OK? Donc, on devrait faire cela et ça va m'éviter de me venger. Parce que l'être humain, c'est pas pour vous autres, mais on est prime à la vengeance. On est prime à la vengeance. Il y avait un vieux dicton chez nous qu'on disait, la vengeance est douce au cœur de l'Indien. Ouais. Nous autres, on avait les nolettes, on avait tendance à le dire parce qu'on est d'origine autochtone. Donc, on avait tendance à dire la vengeance est douce au cœur de l'Indien. Donc, on voulait dire « watch-toi », tu sais. Mais c'est dans ce sens-là, par motif de conscience envers Dieu, parce que si je comprends bien le texte, si je n'ai pas une bonne conscience envers Dieu, puis que mon but, c'est juste dire je vais me soumettre aux autorités que Dieu a mis en place parce que j'ai peur des conséquences, je devrais remettre ma relation avec Dieu en jeu. Je n'ai pas une bonne conscience envers Dieu, j'ai juste peur de la punition. Mais comme si je n'accepte pas l'autorité envers de Dieu qui a mis en place, Dieu dit, tu es sous ma condamnation. Et si tu ne te soumets pas aux autorités que j'ai mis en place par motif de conscience envers moi, c'est un problème avec moi, là. OK? Et c'est pour ça que c'est des fois, les avertissements sont plus sérieux que si je le comprends de même que juste de dire j'ai des petits problèmes relationnels avec les frères et sœurs alentour. C'est plus loin que ça. Il ne faut pas avoir peur de prendre les textes et de dire quelle est mon attitude envers les autorités que Dieu a mis en place, autant dans l'Église puis autant dans le monde? Quelle attitude que j'ai envers eux autres? C'est-tu la résignation? C'est-tu la crainte de la punition? Ou suis-je vraiment, par motif de conscience, c'est ça que Dieu a mis en place? Donc, c'est ça que je vais utiliser. Je ne me vengerai pas moi-même. Je vais utiliser les autorités en place pour le faire. Et en général, je dirais que les autorités, en général, surtout dans nos cultures multiculturelles maintenant, dans nos sociétés multiculturelles, les gouvernements font bien attention de ne pas piler sur les pieds de personne. Okay? Ce n'est pas eux autres qui vont nous attaquer, mais ils vont peut-être mettre des lois pour protéger toutes les ethnies ou tous les groupes religieux. Les lois ne sont pas toujours 100% justes, des fois, mais en général, ça nous permet de vivre notre foi là, au Québec. Mm-hmm. Il y a des lois qui nous permettent de vivre notre foi au Québec, là, présentement. Pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant. Mais la question, souvent, si on étudie l'histoire de l'Église, puis que les autorités reviennent contre, c'est assez rare que c'est comme ça, souvent. Les persécutions de l'Église viennent souvent par des mouvements religieux, et non pas par les autorités politiques. Okay? Comme c'était le cas dans les Actes des Apôtres, c'était les Juifs qui venaient faire la menace. Okay? Comme aux Indes, ce n'est pas le gouvernement des Indes qui sont contre les chrétiens, c'est les musulmans qui sont les chrétiens, qui sont contre les chrétiens. Ce n'est pas juste le gouvernement politique en général qui sont comme ça. En tout cas, c'est peut-être une autre question. Mm-hmm. Donc, voyez les autorités en place comme un moyen, un aide quand ça ne va pas, quand il y a des difficultés, quand il y a des problèmes entre vous ou avec les inconvertis. Il est plus facile pour nous de ne pas se venger quand on sait qu'il y a un système de justice en place. Des fois, on dit, on doute que le système de justice fonctionne, mais il fonctionne mieux que pantoute. Okay? Si on l'enlèverait complet, là, si on mettait ça à l'anarchie, on dirait, on s'ennuie de nos polices. Okay? On s'ennuie de notre système policier. Mais c'est vrai que quand on paye un ticket, on les aime moins. Mais si on les avait pas, c'est ça l'anarchie totale. Ça serait pas mal plus compliqué. Là. Mais, comme je dis, les deux sont valables jusqu'à certains points. Si je le prends pour les inconvertis ou si je le prends pour les croyants. Mais si je, dans ma tête, si je me dis, si je le ramène dans l'ensemble de l'Épître aux Romains, il me semble que ça fait plus de sens quand c'est les difficultés entre frères et sœurs dont on parle. C'est pour ça qu'il revient tout de suite au verset 8. « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » C'est moi le mot « personne », là, c'est pas « personne en dehors ». C'est « ne devez rien à personne, de vous aimer les uns les autres. » Et là, je crois qu'on quasiment tout le monde ramène ça dans l'Église. Mm-hmm. Okay? Automatiquement, on ramène dans l'Église. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. C'est-à-dire, on revient encore avec cette idée de la loi. On n'a pas quitté l'idée là, de la justification par la loi. Donc, ce n'est pas la loi, c'est pas... Je veux dire sans la loi. Justification sans les œuvres de la loi. La loi. Mais la question, c'est, comme je vous l'ai fait ressortir, c'est pour les Juifs, le questionnement se faisait encore, quelle est donc cette place de la loi? Comme là, il y a un grand débat parmi les chrétiens présentement, il y a un débat parmi les chrétiens, quelle est la place des 10 commandements à l'Église? Il y en a qui veulent faire des 10 commandements la norme de l'Église, de la vie de l'Église. Il y en a qui disent non, il y en a qui disent oui. Puis il y a un débat là-dessus présentement. OK? Et la loi... c'est comme si Paul il dirait ne parlez pas de ça entre vous. Ça serait peut-être mieux de parler de vous aimer les uns les autres, qui est l'accomplissement de toute forme de loi. Ok, donc c'est dans ce sens-là qu'il va revenir en parlant de cela. Donc les uns les autres, comme j'ai dit, le chapitre 12 jusqu'à 16, les uns les autres sont ils constamment là. Donc tout ce que je dis. C'est pour ça que j'ai tendance à rentrer la question des autorités ou la question de ne pas vous faire de mal. Parce que avant ce texte-là, c'était les uns les autres. Après ce texte-là, on continue avec les uns les autres. On va continuer avec les uns les autres jusqu'à la fin du chapitre 16. Donc, je me dis, c'est pour ça que j'ai tendance à vouloir entrer cela dans ce contexte-là. Donc, c'est dans ce sens-là que je le fais, que je trouve que ça fait plus de sens que de le sortir et de dire... Quelle est mon attitude envers les autorités dans la société dans laquelle je vis? C'est dans ça que je l'ai dit. OK? Il était 25. On a encore quelques minutes. Quelqu'un veut lire le verset 9? C'était Isabelle? En effet, les commandements, tu ne commettras point tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bon, vous savez que quand on a demandé à Jésus que c'était le plus grand, c'était quoi le plus grand commandement, bien, lui, il l'a résumé comme ça aussi. Aime ton Dieu, aime ton prochain, c'est toute la loi. Pour l'auteur, c'est ce qu'il est en train de dire, cela, il dit, vous n'avez plus besoin de la loi pour fonctionner. C'est l'amour que Dieu a mis en vous, maintenant, qui va gérer votre conduite les uns avec les autres. Oui, Daniel? Je ne sais pas, c'est-tu dans Jérémie ou Ézéchiel qui disait je vais changer leur cœur, je vais mettre mes lois dans leur cœur. Oui, mais c'est ramené dans le Nouveau Testament, dans Hébreux, chapitre... Mais c'est tiré d'une prophétie, là? Oui, c'est tiré de la Nouvelle Alliance, des prophéties de Jérémie de la Nouvelle Alliance. Mm-hmm. Donc, je vais enlever votre cœur de chair, votre cœur de pierre va mettre un cœur de chair. Je vais mettre mon esprit en vous, je vais écrire mes lois dans leur cœur. C'est qu'il n'y aurait plus de besoin de pression extérieure. Mm-hmm. C'est quelque chose de l'intérieur. Change ton cœur, automatiquement, tu vas vouloir aimer. Puis, on comprend, quand on le prend du côté naturel, on comprend bien facilement que aimer nos propres enfants, c'est plus naturel que d'aimer les autres à l'extérieur. Il y a quasiment un lien naturel là, qui est là, qui fait qu'on a tendance à vouloir faire de quoi pour nos enfants. C'est instinctif, presque, si je pourrais dire. Oui, oh, oui. C'est pas quasiment naturel, c'est ça. C'est le lien de ça. Quand on le met du côté spirituel, ce lien-là que Dieu a créé entre nous, ce fait qu'on s'appartient les uns les autres, qu'on forme un même corps, on va vouloir avoir une vie commune avec les frères et sœurs. C'est pour ça que je dis que mon attitude envers les frères et sœurs manifeste beaucoup si j'ai été transformé de l'intérieur. Mm. Okay? C'est très fort. Et parce que il est facile de crier la foi, mais la Bible, elle nous dit un peu dans plusieurs livres, plusieurs lettres, qu'il y a des genres de petits tests, des genres de petites façons de voir si on l'a ou on ne l'a pas. Okay? Donc, il y a différentes façons de le voir. Non pas que Dieu ne le sait pas, c'est nous autres qui doit s'interpeller. Dieu sait très bien en qui il a travaillé, en qui il a fait les choses. OK, verset 10. Daniel, veux-tu le lire? L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Donc, c'est pour ça qu'on revient avec l'idée que la loi, on n'est plus dessous, on n'est plus avec, on n'est plus besoin. Donc, l'amour ne fait pas de mal à son prochain. Donc, l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. C'est ça maintenant qui a remplacé la loi de l'Ancien Testament. C'est l'amour que Dieu a mis en nous. Oui, Daniel? On regarde à Jésus, il vivait sous l'Ancienne Alliance. Fait que lui, la loi, il n'avait pas le péché. Fait que pour lui, la loi ne le condamnait pas. Non, on ne pouvait pas le condamner. Il a été capable de l'accomplir. Ben, je veux dire, il l'accomplissait naturellement. Je veux dire, il n'avait pas de péché. Il a accompli son si tu mets le mot loi, là, 10 commandements, oui, c'est vrai, il a accompli les 10 commandements. Ça a coupé, François. Il a accompli. C'est vrai qu'il a accompli les 10 commandements parce qu'il n'a pas péché. Mais quand il dit qu'il a accompli la loi, il a accompli plus que ça. Okay? Oh, il a accompli la loi dans le sens de grand prêtre, de sacrifice, d'autel, de saint. Il a tout fait. Il a accompli la loi dans ce sens-là. Il ne faut pas penser que quand Jésus dit je suis venu pour accomplir la loi, qu'il parle je suis venu pour observer les 10 commandements. Non. Il a observé les 10 commandements. Mais la différence entre lui et moi, c'est que lui, il n'a pas de nature pécheresse. Moi, je suis condamné avant de commencer à faire de quoi? Par naissance, je suis condamné. Okay? Parce que je suis une nature pécheresse. Jésus, il n'a pas cette nature pécheresse-là. Donc, il n'est pas condamnable de par nature. s'il aurait été condamnable s'il avait péché, bien entendu. De par nature. Moi, je suis condamnable, même si je ne ferais jamais de péché. C'est ce qui est impossible, là, mais même si je n'en ferais pas, je suis condamnable d'abord parce que je suis par nature condamnable. Donc, c'est dans ce sens-là. Donc, la loi, je peux la laisser tomber, puis je ne devrais pas l'emmener dans mes arguments, dans mes débats avec toi, je ne devrais pas m'en servir pour gagner un argument, mais on devrait plutôt se servir que de l'amour comme façon de rentrer en relation. Non, mais Dieu a dit, puis Dieu, tu ne devrais pas faire, tu devrais faire, tu ne devrais pas faire. Les ne pas et les pas, là, c'est pas ça qui va nous amener vraiment à fonctionner. Il dit, c'est l'amour que Dieu a eu pour moi et pour toi qui devrait être de nous pousser à. Parce que ma capacité de t'aimer, faut qu'elle vienne de Dieu. Il faut qu'elle vienne de Dieu, cet amour-là. Donc. Ouais. Puis, elle va être stimulée, je pourrais dire, par le fait que je sais que toi, tu es un aimé aussi. Toi aussi, tu es un enfant de Dieu. Toi aussi, tu es un chéri de Dieu, un bien-aimé de Dieu, un enfant de Dieu. Toi aussi, tu l'es. Donc, c'est ça qui devient ma raison d'agir envers toi et non pas une loi quelconque. OK? Amen. Ouais. Est-ce qu'on le finit notre chapitre avant de terminer? Qu'est-ce qui reste là? Et là, ce que on va le faire parce que c'est trop important. Regardez le verset 11, là, c'est drôle. Là. On continue. Oh, ouais. Vas-y, Daniel, on va prendre juste quelques minutes. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Patrick? OK. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Mm-hmm. C'est intéressant ici qu'il dit l'amour ne fait point de mal l'accomplissement de toi. Cela importe d'autant plus que vous voyez la fin du monde s'en venir. C'est drôle de me donner ça comme motivation. Je trouve ça drôle que tu veux me motiver à aimer les frères et sœurs. C'est plus important là, parce que la fin du monde s'en vient. Okay? Je ne le dirais pas de même. Là, parce que quand il dit « le salut est plus près de nous », c'est comme s'il parlait du retour du Seigneur. Là. C'est ça que je te dis, oui. Oui, mais c'est la fin du monde. C'est... Okay. C'est ça que je voulais dire. Le retour du Seigneur. J'aurais dû dire « le retour du Seigneur est plus proche ». Mais c'est vrai que aime ton frère et soeur d'autant plus que tu vois le retour du Seigneur qui s'en vient. C'est comment ça va faire pour me motiver? Ça fait drôle comme motivation que je t'aime, mon frère et ma soeur, parce que Jésus revient bientôt. Ça fait drôle de dire ça comme cela. Pourquoi dire cela? Comment vous interprétez cette motivation-là de l'apôtre Paul? Aimez-vous les uns les autres, d'autant plus que vous voyez arriver le retour du Seigneur. Ça va dire ça comme ça, Patrick, ça va être plus fort. OK? C'est pourquoi il dit c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Oui. C'est bizarre. Donc, il les appelle. Vas-y, Patrick, vas-y. Non, vas-y, tu t'en allais bien, là. Il les appelle à un changement. Hein? Oui. Parce qu'il dit c'est le temps de vous réveiller, c'est le temps. Vous devez agir maintenant différemment qu'avant. Votre comportement sous la loi, sous les régimes politiques, sous le fait que vous étiez tous des gens de nations différentes, de religions différentes, qui vous haïssiez avant, que vous n'aviez pas d'affection mutuelle et naturelle les uns envers les autres, vous devriez avoir un changement maintenant. Okay? Vous devriez avoir un changement et d'autant plus que vous voyez que celui qui vous a tous sauvés, celui qui vous a tous aimés, celui qui vous a tous choisis est élu et justifié par la foi. Il s'en vient bientôt. Mm. Okay? Ça, ça fait du sens dans ma tête plus. Que, c'est que il dit, vous ne devriez plus agir comme avant. Maintenant, vous devez manifester dans l'Église que vous êtes un peuple. Vous avez tous été choisis. Vous avez tous le même Père, vous avez tous le même frère que Jésus-Christ, vous avez tous le même salut, la même élection, la même destinée. Donc, ça devrait se refléter dans, votre, dans vos relations les uns avec les autres. Et il dit, sortez de ce monde-là dans lequel vous étiez avant et venez vivre une vie différente. Non. Il ne m'appelle pas ici, je crois, juste à devenir un meilleur citoyen ou une meilleure personne. Si, ça serait ça, l'Église est en difficulté parce que l'Église a ses problèmes à elle de relations, de moralité, de difficultés. Et parce que là, il dit... C'est comme si on aurait quasiment l'impression qu'il dit, tu devrais dire ça à des inconvertis, Paul. Tu sais, réveillez-vous, sortez de ça, marchez dans la lumière, éloignez-vous des orgies, des ivrogneries, de la luxure, de la débauche, des querelles, des jaloux. Éloignez-vous de ça, là. J'ai dit, c'est-tu le problème, ça? C'est-tu t'as quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire? Puis, d'autant plus que Jésus s'en revient, donc je me disais, mais ça serait un bon verset pour faire l'évangélisation. Avec quelqu'un, je me dis, qu'est-ce qu'il veut dire? Mais il nous prépare, là, puis il va tourner le chapitre 14. Hein, il va nous préparer au chapitre 14, puisqu'il va nous parler de nos différends, de nos difficultés à s'entendre, de nos problèmes à l'intérieur. Qu'est-ce qui causait ces difficultés-là qu'on va voir au chapitre 14? Et je crois pas que l'Église de Rome qu'on a vue au chapitre 1, qui était renommée dans le monde entier, qui fonctionnait, qui était une Église immorale, dans le sens qu'elle vivait des orgies, puis des ivrogneries, puis d'adultère. Mais je crois qu'ils appellent à changer leur façon d'être avant. Puis je vous lance l'idée, je vous en lance des fois des idées, je vous lance l'idée que les Romains et les païens, comment ils fêtaient, comment ils pratiquaient leur religion, ça reflète pas mal le verset 13. Ouais. Okay? Okay. C'est pas l'immoralité dans l'Église, c'est comment vous viviez avant, avec toutes vos religions païennes aussi, là. OK? Mm. Que vous savez, vous viviez dans les orgies, dans la luxure, la débauche, tout ça, ça reflétait leur façon de vivre aussi avant. D'où le verset 14, « N'ayez pas soin de la chair pour satisfaire les convoitises. » Donc, mais il dit, « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. » Puis là, comment est-ce qu'on fait ça? On pourrait mettre ça à un beau spirituel, mais pour moi, ça veut dire, si je me revêt d'eux, j'agis comme... Moi, l'illustration qui vient dans ma tête, si je mets un habit de police, je devrais agir comme une police. Si je me revais d'un habit, je vais agir en conséquence de l'habit que j'ai. Si je me revais de Christ, je vais agir comme Christ agirait envers toi. Mm-hmm. Okay? Parce que lui, Jésus, a agi envers toi. Moi, si je revais le Christ, je vais agir comme Christ a agi. Donc, je vais être prêt à te recevoir comme un frère, une sœur, quelqu'un qui te justifié, quelqu'un qui t'a... Donc, je vais agir envers lui comme lui agit envers toi maintenant. Là, je comprends l'autre jour. J'ai mis un tablier, je me suis mis à faire le souper. c'est drôle, mais l'exemple est valable, Daniel. Si je revais un habit quelconque, je vais agir en conséquence de mon habit. Tu devrais le mettre plus souvent, ton habit. Accroche-toi pas loin de la porte. Il n'aurait pas dû dire ça. Tu vas te faire engager. Mais c'est dans ce sens-là que je le verrais. Bon, OK, on y reviendra si vous avez des questions la semaine prochaine. Mais vous pouvez le lire dans les deux sens. Je crois qu'il dit, bon, maintenant, dans mes relations avec mes frères et sœurs, je vais agir de la même façon que Christ agirait envers eux. Ou qu'il agit envers eux maintenant parce qu'il les voit comme ses enfants. Ça prend la grâce de Dieu. Ouais. Mais cette grâce-là, on l'a. Elle nous a été donnée à nous. Souvent, on oublie que nous sommes des graciés, qu'on devrait être des gracieux aussi envers les autres, là, qui ont été graciés, eux autres aussi. C'est parce que des fois, j'ai l'impression que j'ai eu besoin moins de grâce que lui ou que elle, mais j'ai eu la même grâce. Okay? J'ai eu la même grâce. Donc, je vais être capable de, si je me revêt du Christ, je vais être capable de voir que Christ a sauvé l'idolâtre qui est assis dans le même banc que moi, là, qu'on va voir dans le chapitre 14. Jésus a sauvé le juif qui est assis avec moi aussi dans le banc, là, ou l'esclave, ou le maître, ou la femme qui est là. Il les a sauvés. Donc, lui, il n'a pas regardé qu'est-ce qu'il mangeait, quelle sorte de religion qu'il pratiquait avant. Il les a ajoutés au corps de Christ, malgré leur vie qu'ils faisaient avant. Donc, moi, je dois les inviter dans le corps de Christ aussi, au même niveau que moi. Et c'est ça qui va refléter l'harmonie. Qu'on est le corps de Christ, qu'on est le peuple de Dieu. Ce n'est pas ma moralité qui va faire que je vais refléter que je suis le peuple de Dieu. Les Mormons sont capables de le faire. Les témoins de Jéhovah sont capables de le faire. Très capables de le faire. Et si vous allez voir, il n'y a pas plus de divorces chez les témoins de Jéhovah qu'il y en a chez les baptistes. Okay? Il n'y en a pas plus de gros problèmes. Aux États-Unis, ils engagent des Mormons parce que c'est tout du monde honnête et travaillant. Okay? Donc, dans ma ville, moi, il y a une grosse compagnie qui a engagé tous les baptistes parce qu'ils disaient qu'ils n'ont pas besoin de contre-maître de travail. Mais ce n'est pas la moralité. C'est le fait de voir qu'il y a un peuple maintenant qu'avant d'être dans ce peuple de Dieu-là, c'était l'animosité entre eux autres. Chacun pour soi. Chacun pour soi, puis c'était la haine, la colère entre eux autres. Mais de voir que le Juif est assis aux côtés du Romain, qui était sous la dictature des Romains, parce qu'il était sous l'Empire romain, qui était dans l'Église, puis qui chante le même Dieu, ça, pour moi, ça reflète l'amour de Dieu. Que c'est un miracle de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Okay? Ça reflète ça. Okay? OK, donc on va arrêter là pour aujourd'hui. Et je vais terminer dans la prière, si vous voulez bien. Notre bon Père du ciel, merci. Merci pour ce que tu nous as dit. Merci que tu as mis en place les autorités pour nous aider à vivre en paix les uns avec les autres. Nous aider à ne pas se venger. Toi, c'est ta responsabilité à toi. C'est ton rôle à toi d'intervenir quand les gens nous font du mal, à cause que nous sommes tes enfants. C'est ta responsabilité à toi. Donne-nous la grâce de bien le comprendre et de te laisser ton rôle à toi. Et Seigneur, aide-nous à nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés et comme tu nous aimes. Amen. Aujourd'hui, au nom de Jésus, amen. Amen. Amen.